même le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5 et pour cette quatrième séance, je suis avec Victor. Bonjour Victor, comment ça va? Salut, ça va très bien. Je suis aussi avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et nous sommes avec Émilien. Bonjour Émilien, comment Bonjour, ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42. J'espère que vous y êtes bien accrochés même parce qu'aujourd'hui on fait un doublé de films qui font peur, a priori. Aujourd'hui, on va vous parler deux fois du même film, à peu près. C'est pas exactement le même film, en vrai, mais Suspiria, avant d'être un film sorti mercredi dernier de 2018, c'est un film sorti en vendredi de 1977. C'est un film de Monsieur Dario Argento, un film d'horreur qui raconte l'histoire d'une meuf qui arrive en Allemagne dans une école de danse. Et il va se passer plein d'autres trucs après. Mais gardez bien ça en tête, parce qu'on en reparlera après de celui-là. Parce que pour l'instant, le film auquel on s'intéresse vraiment, c'est le Suspiria de 2018. Au début, elle me donnait des choses. L'équilibre parfait. Le sommeil parfait. Elle veut entrer en moi. Je la sens. Lorsque l'on danse la danse d'un autre, on se fait à l'image de son créateur. Je n'en reviens pas d'être ici. Madame Blanc est incroyable. Un, deux, trois. Sa manière de nous transmettre son expérience. Vous devez décider ce que vous voulez être pour cette compagnie. Cette compagnie cache bien plus de secrets qu'elle n'en laisse voir, docteur. Vous vivez avec des gens très dangereux. Alors, qui est-ce qui veut me faire un beau résumé de Suspiria? Émilien, vas-y, je t'en prie. Comme tu... C'est la première fois que t'es là. Donc la version de 2018, du coup, c'est l'histoire, donc c'est sensiblement la même chose que l'original, c'est l'histoire de Suzy Bagnon, qui est une danseuse américaine qui arrive à Berlin, du coup, dans une très prestigieuse école de danse et qui arrive à se faire recruter après, en passant une audition un peu sauvage. Et malheureusement, elle va se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres qui se passent dans cette école, des choses pas très catholiques, disons. Et il faut aussi ajouter que pendant cette intrigue, il y en a aussi une autre qui se joue, parce qu'on retrouve M. Carlfred Eriksen de là-haut, qui décide d'enquêter aussi sur ce qui se trame dans cette école de danse mystérieuse. Exactement. Donc après chez Pixar, il est chez Guadagnino, donc respect le mec. Respect. Pour, oui. Donc tu l'as dit, le réal c'est Monsieur Luca Guadagnino qui avait réalisé Call Me By Your Name et qui avait aussi réalisé A Bigger Splash, un remake de La Piscine, avec aussi Tilda Swinton et Dakota Johnson dedans. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut aller en premier? Vas-y Stéphane, dis-nous ton avis en premier. Alors, c'est... Bon. Je suis très fan de l'original. J'attendais avec... je vais quand même dire avec impatience ce remake parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Mm-hmm. Parce que, bon, mine de rien, il rajoute 1h10 à l'original. Ah oui, j'avais pas dit, il est assez long quand même. Ah, 2h40. Ouais. Donc du coup je voulais voir comment il allait traiter ça, sachant que c'est le premier Suspiria est un film assez complexe qui est un peu un giallo mais pas vraiment parce qu'il y a des éléments fantastiques et là dans celui-là il prend une posture plus réaliste. C'est-à-dire que l'original il y avait quand même beaucoup de travail sur la couleur. Ici il n'y en a pas du tout, la photo est très grise, donc même trouvé que c'était pas très beau. De toute façon j'ai pas aimé, mais ça reste quand même un film très intéressant parce qu'il y a en fait c'est ça qui est emmerdant, c'est que c'est un film qui est rempli d'idées. Mmh, mais je l'ai même un peu comparé au Halloween qui est sorti récemment. Pareil, c'est un film qui a plein d'idées, mais le Halloween, lui, il vient jamais à bout. Et là, les idées du Suspiria 2018, c'est que les idées, elles sont très mal exploitées. C'est marrant que tu dises ça, parce que en 2008, ils avaient annoncé un remake de Suspiria qui devait être réalisé par le gars qui a réalisé le Halloween de 2018. Ça fait un moment que de toute façon ce projet était dans les bacs. Dans les En fait c'est très long. C'est extrêmement long. Il y a des moments où on se fait vraiment chier. Ce que je reproche au film en fait, c'est qu'il prend il prend l'original et il rajoute tout le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'il te colle la bande à Bader, les problèmes en Allemagne. Il revient sur le nazisme. Et le problème justement, c'est que il met en parallèle du coup l'histoire de cette école de danse. Et le parallèle est très mal fait. Je vois ce qu'il veut en faire. Il parle le film, c'est clairement une révolution. Il y a une révolution des deux côtés, une révolution féministe et en même temps une révolution politique de l'Allemagne, puisque c'est une école qui est remplie majoritairement de femmes. Il n'y a pas un seul homme dans cette école. Et il a compris qu'est-ce que c'est qu'un film d'Argento. Un film d'Argento, c'est un film qui est rempli d'énigmes. C'est un labyrinthe rempli de symboles qu'il faut décrypter, qu'il faut voir plusieurs fois pour arriver à tout comprendre. Le problème, c'est que chez Argento, ça passe. Ici, c'est extrêmement lourd. Les scènes d'horreur, au nombre incroyable de 3 sur 2h40. Ouais, c'est un truc sur lequel je vais revenir aussi. Ce qui fait que c'est, pour moi, c'est plus un drame qu'un film d'horreur. Sachant qu'en plus, les scènes d'horreur, elles sont vraiment pas fofolles. C'est pas vraiment... Je trouve pas que ce soit de l'horreur, c'est plus du gore, en fait. Enfin, ça fait pas peur, ça juste... Oh, t'es un peu en mode... Je sais pas, ça m'a fait la même chose que pour Grave, où t'as tout le monde qui disait « Ouais, c'est pas... super crado !» Ça fait pas peur, t'es plus... un peu dégoûté, enfin t'as du mal à le regarder, tu vois. Même pas, moi j'ai rien ressenti devant les... Alors est-ce que je suis quelqu'un d'hardcore, j'en sais rien, mais j'en attendais peut-être trop. Et du coup j'arrivais pas à flipper, j'arrivais pas à être inquiet devant le truc, ce qui est quand même dommage quand tu viens voir un film d'horreur, t'es censé flipper quoi. Et là non, tout comme le final qui est grandiloquent et rempli de cul et de gore. Je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que je suis pas d'accord, je trouve pas qu'il soit rempli de cul. Je trouve pas que ce soit sexualisé du tout. Bah, t'as plein de gens de cul quand même. Oui, non, mais t'as plein de plans de meufs à poil, mais c'est pas sexualisé. Et de vieux aussi. Oui, de vieux, bah oui, évidemment. On a un vieux de la parité. Mais vieux, c'est pas sexualisé. C'est un peu l'antisexualité là pour le coup. Ouais, moi, voilà, je suis d'accord exactement. C'est pas choquant du point de vue sexuel pour le coup. Pas. Je dis pas que c'est choquant, c'est juste que moi je trouvais cette scène en fait. Vraiment too much. Mais pareil en fait, ce qui m'emmerde avec ce film, c'est que voilà, c'est il y a plein d'idées pour lesquelles normalement je devrais être tout à fait d'accord. J'aime énormément le fait que les sorcières issues se dépeignent non pas comme des sorcières mais comme des mères. Ça c'est très intéressant, mais bon, c'était déjà dit chez Argento de base, hein, puisque... Ouais, mais là, je trouve que c'est plus exploité. Pour moi, ça avait un... En même temps, 2h40, t'as plus le temps d'exploiter ça, quoi. Donc... T'as plus le temps, mais le problème, c'est que des fois, je trouve ça trop lourd, trop appuyé. Par exemple, un truc qui me dérange, c'est que justement, voilà, t'as une société matriarcale qui se crée pour lutter contre une société patriarcale qui ostracise les femmes. Mm-hmm. Et en fait, j'ai l'impression que cette société matriarcale ostracise aussi les femmes, en fait. Du coup, je vois pas où il veut en venir. J'arrive pas à voir ce qu'il veut dire. C'est quoi son propos par rapport à ça. T'as des effets de style. Moi, j'ai pas vu ce qu'il a fait avant. C'est le premier film de lui que je vois. Clairement, moi, ça me donne pas envie de voir, voir le reste, parce que je trouve ça vraiment trop... Je trouve qu'il en fait trop. Ouais. En fait, justement, Victor, dis-nous ton avis sur le film. Comme toi, t'as vu ce qu'il a fait avant. Justement, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec ce Suspiria. C'est que moi, je l'attendais énormément, justement, parce que je suis un assez grand admirateur des travaux de Guadagnino avant. Enfin, c'est un réalisateur qui s'inscrit vraiment dans une espèce de post-modernisme. Toujours vouloir. Moi, tu sors des mots, je suis pas sûr que tout le monde. Toujours vouloir. En gros, il veut toujours. Cette tendance, on va dire, à toujours se servir d'allusion, à reprendre ce qui a déjà été créé auparavant pour en faire sa propre version, son Ouais, c'est appropriation vrai en fait. qu'il a fait que Et des remakes ou des adaptations. bah, Call Me By Your Name, c'est adapté d'un roman, puis ça a Ouais. été écrit, co-écrit par James, écrit par James Ivory. Ouais. A Bigger Un Splash, remake de la c'est un piscine. remake de la piscine. Mais en tout cas, il s'inscrit dans cette tendance. Et ça, c'est ce qui m'intéressait, c'était de voir comment Guadagnino allait se réapproprier Suspiria. Il a souvent vendu le film en disant que c'était la vision que lui avait dans sa jeunesse quand il voyait le Ouais. film, qu'est-ce qu'il s'imaginait. Et en Ce soi, qu'il ressentait. Hein. Enfin, il a dit que ce qu'il ouais, ressentait voilà. en Ça l'avait fait, marqué tellement voilà. qu'il avait ressenti tellement de choses en le voyant qu'il avait voulu retranscrire ça. Et le moi en fait, donc en plus de ça, il va donc réappliquer ce qu'il avait fait avec Call Me By Your Name. Donc, c'est-à-dire, il va se montrer, il va présenter un film qui, de premier œil, est très érudit et très axé sur les détails. Donc, effectivement, Ouais. comme vous l'avez dit avant moi, on parle de la bande à Bader, on parle du nazisme, Putain, vous aimez bien la bande à Bader. le C'est mon personnage préféré. de. J'adore cette On parle quand expression. même moins du nazisme que de la déportation, c'est surtout Oui, et la c'est surtout de déportation. l'après-guerre plutôt que le nazisme. Parce que Mais même on voit le mur de on en Berlin parle quand même juste devant avec l'école. les codes et tout, comme il Oui. y a un discours qui surexplique à un moment tout ça. Et même, on va te sortir 12 mini-références, d'allusions, de clins d'œil. Basiquement, l'un des personnages joué par Tilda Swinton, c'est Pina Bausch. Oui, c'est ça, c'est très inspiré de. Bah, la Corée, elle est très On va te inspirée de. parler, on va te parler, on va voir une affiche de David Bowie, Ah, ça, c'est aussi pour mettre le contexte on va te citer temporel, quoi. musicalement un artiste allemand comme Klaus Nomi. Et tout le film va être une accumulation. Ça, c'est un peu le Ready Player One Oh non, oh mon Dieu! du T'as cinéma osé dire ça? Le du retour. cinéma Le d'auteur retour, européen le dans ce comeback. fourmi dans ce tas de Mais en même temps, références. t'es en 77. Enfin, faut bien placer le contexte Mais temporel, faut bien en fait, donner le des truc, c'est références que qu'à les gens force de. connaissent, autre que c'était Ah, après la guerre. mais dans le Suspiria, tu vois, dans Argento, on s'en foutait de ça. Et Ouais, mais c'est pas Argento, c'est ça le mais principe. là aussi, on s'en On fout un va peu se en taper fait. à la C'est sortie. que le truc, c'est que ça écrase tout ça, ça écrase les émotions et ça écrase le genre. Dans Suspiria 2018, j'ai vraiment rien ressenti devant, si ce Ouais. n'est qu'un rire nerveux. Enfin, Stéphane, tu disais que tu rigolais. Pendant les scènes, moi ça a été un peu mon cas. À la fin de la scène de sabbat, à la fin, je n'en pouvais plus. C'est pas vraiment une scène de sabbat. Enfin, ça, c'est des Oui, je ne suis détails pas de après, l'hôtel et c'est tout, mais c'est l'hôtel, oui. voilà. Le problème, c'est que, effectivement, ouais, c'est. J'ai rien ressenti. Je suis sorti très indifférent et ça m'a plus. La seule émotion que ça m'a procuré, c'était plus un. C'est mon dénervement parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir quelque chose de très froid en fait. C'est Guadagnino qui se réapproprie Suspiria d'Argento pour en mettre sa signature. Mais au final, qu'est-ce que ça apporte? Rien. Bon, après, je pense que je vais demander ton avis parce que Bah, on va t'as l'air peut-être. au pot, enfin, t'as l'air d'avoir kiffé et donc. Je vais peut-être demander à Emilien avant parce qu'on l'a toujours pas entendu, alors que c'est sa première émission quand même. Oui. Peut-être Eh, qu'on l'entend bonjour. un peu. Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Oui, bah du coup, moi aussi, j'étais un peu. Enfin, j'ai suivi ça d'un peu plus loin, parce que Suspiria, moi, j'aime bien l'original. C'est pas mon Argento préféré, personnellement. Mais ce que j'aimais bien dans le projet, c'est que ça avait des similitudes avec ce que faisait Argento. C'est que c'était vraiment un Italien qui vient du cinéma européen, qui reprend Oui, un c'est truc vrai ça, c'est international vrai. et qui va, comme ça, faire son film fantastique. Donc, ça m'avait intéressé pour ça. Et la bande-annonce, bon, elle m'avait vachement aguiché. Hein, je dois te dire que c'est un peu ce type de bande-annonce qui ne dit rien mais qui montre tout. Et le problème, c'est que moi, une fois que j'étais dans le film, j'avais l'impression que le film disait tout mais qu'il ne montrait rien. C'est que je trouve. Bon, c'est C'est peut-être beau ce que enfin, tu oh dis. là là. C'est magnifique. C'est que moi, j'ai l'impression que. Donc, je connais pas tellement Guadagnino. C'est mon premier film de lui que je vois. Mais j'ai l'impression qu'il est très. Très dans une optique très conscient de ce qu'il fait, mais presque trop conscient. Genre, je vais remaker Suspiria, donc je ne vais pas jouer sur le même tableau. En soi, ça pouvait être intéressant. Il va développer la danse qui était complètement écartée de Ouais, l'original. Ça, ça c'est vrai, je suis d'accord. m'avait intéressé. Il va traiter du contexte politique, mais Berlin, années 70 aussi. Mais finalement, je trouve pas que ça soit très très très bien exploité. Enfin, les scènes de danse, elles m'ont extrêmement frustré parce que je trouve que le film est assez mal monté et que le montage alterné avec et la danse et ce qui se passe en parallèle. Stéphane, t'as l'air d'accord. Stéphane fait des gestes. La fragmentation et le côté très virtuose, il y a des plans zénithaux, il y a des échelles de plans qui varient tout le temps. Finalement, ça met de côté la danse pour juste faire un genre de performance, de mise en scène que je trouve nuit vraiment au film. Et puis des fois, il fait des effets de style qu'il utilise et il les utilise plus jamais après. Ou alors, il y en a certains qui l'utilisent trop, genre parfois il y a des ralentis, mais qui sont juste insupportables. Je pense que ça fait aussi partie de ce côté trop très référencé, justement, c'est que c'est des effets de style qu'on a déjà vu chez des tas de réalisateurs de ces époques, en fait. Enfin, moi, je pensais du Tarantino à certains moments. Bah ouais, ou par exemple, tu peux citer même des artistes, des réalisateurs de cette époque. Enfin, il y a un plan où il joue sur les deux focales. Et on voit qu'ici, c'est vraiment à limite un split screen à la De Palma des années 70. Tu là, tu dis ouais, ok, cool. Pareil quand il fait des, on peut beaucoup penser, il y en a certains qui ont beaucoup pensé à des cinéastes comme Nicolas Roque par exemple, ou vraiment c'est cette anormalité qui s'inscrit vraiment dans un quotidien et tu vois ça, tu dis ouais, d'accord, mais pourquoi ? Enfin, tu dis d'accord. Et pourquoi pas ? C'est ça la question, la ouais, vraie question. Mais pour moi en fait c'est surtout c'est ce que Mignon disait, c'est vraiment une partie ultra consciente en fait, et ça éteint en fait là où l'histoire du film pourrait m'emmener, parce que tout est intéressant mais je ressentais rien. Ouais. Oui, c'est ça, c'est mon sentiment, c'est que c'est un peu ça fait un peu il est très clinique dans sa manière de penser le film. J'ai l'impression que on l'a peut-être pas dit, mais moi je trouve que c'est un film qui est très bien photographié. Il y a vraiment une bonne photographie, les petites lumières avec les abat-jour. Victor est d'accord, je sais pas si on l'a entendu. Il y a un côté presque maniériste dans la manière de pas y toucher, de toujours faire des petits jolis plans comme ça. Je suis pas d'accord parce qu'il y a quelques plans où ils zooment vraiment beaucoup beaucoup et tu vois le grain et tout, et moi j'ai adoré ça. Justement, je trouve que ça va vraiment dans l'idée de je vais faire un film des années 70 avec un genre de grain, avec une ambiance et... Donc j'ai l'impression que dans toutes les scènes entre guillemets normales, il y a vraiment ce côté très effacé, je vais faire mon petit film très beau, très bien réalisé, que je trouve un peu écrasant. Et à côté, il y a les scènes d'horreur, notamment la première scène où Dakota Johnson rêve et qu'elle voit des images sataniques, enfin une imagerie satanique. Oui, là d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il se dégonfle d'un seul coup et qu'il essaie d'évacuer toute l'horreur qu'il y avait dans le premier film et de balancer comme ça sans trop de cohérence les une imagerie gore non, c'est un peu facile en fait. C'est ça, en fait il y a des moments où il se réveille, je fais ah putain mais oui c'est Suspiria que je suis en train de faire, attends je vais caser un filtre rouge là comme ça, Suspiria, t'as vu, j'ai compris. Il y a un seul filtre rouge pendant une seule scène. Ouais, bah ouais, mais justement c'est au pire, mais je trouve que moi c'était pas tout m'a fait chier en fait, parce que si tu pars du principe, hein, comme c'est une sorte d'essai, clairement c'est un essai sur le Suspiria original, il pose vraiment une réflexion aussi sur le film en rajoutant donc tout le contexte qu'il y avait à l'époque, voilà, il rajoute tous les trucs qui n'ont pas été mis dans le Suspiria de l'époque et il réfléchit du coup au film sur son époque, sur qu'est-ce qui se passe, comment je peux le mettre en corrélation avec ce que ça raconte, et du coup dans ce cas-là, tu restes là-dedans. C'est, si tu veux faire un remake qui reprend Suspiria mais qui ne le refait pas, tu mets pas un filtre rouge juste pour faire plaisir. Dans ce cas, t'assumes totalement et tu fais pas de travail chromatique dans le film. Parce que c'est ça, moi, qui m'a dérangé. C'est, tu fous pas un filtre rouge là si tu l'as pas fait avant. Si c'est juste pour le clin d'œil gentil, c'est pas la peine. Donc, Jade, je pense que ce serait bien que tu parles un peu. Alors moi c'est tout comme vous sauf que c'est tout l'inverse. C'est la première chose que j'ai dit quand je suis sortie du cinéma, c'était que c'était le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Donc bon, j'ai peut-être un peu exagéré, c'est dans le l'enthousiasme. C'est ouais voilà, mais c'est dans Victor mon top. Victor disait pareil pour Paddington, t'inquiète. Quoi ? Victor a dit pareil pour Paddington, je suis sûr. Oui, dans même temps, ça je le comprends, c'est un peu vrai. Mais non, c'est vraiment un film que j'ai vraiment adoré, mais en même temps à la base déjà, je pars de c'est un film qui contient tout ce que j'aime dans la vie, genre ça parle de sorcières, ça parle de danse, il y a Tilda Swinton, forcément je vais aimer, et en plus j'adore le Suspiria original, c'est un de mes films préférés aussi. Et est-ce que tu aimes les femmes qui jouent des vieux hommes octogénaires? Mais justement, alors, pourquoi alors, justement est-ce que, parce moi, que moi c'est la question que je me pose. J'ai lu une interview de Tilda Swinton où en fait elle a juste dit que c'est parce qu'il trouvait ça fun de faire ça, parce qu'elle avait envie de le faire, et moi, je pense, mais après c'est totalement personnel, C'est parce que, enfin c'est pas parce que, mais du coup ça fait que dans le film il y a aucun homme qui rentre dans l'école de danse et qui en ressort vivant ou normal. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse un petit instant de réflexion. Mais après c'est totalement une interprétation de moi, tu vois, ouais. Ça se trouve c'est pas du tout ça, ça se trouve ouais, pas du tout dire ça. Non mais c'est bien, au moins tu m'as filé une sorte de clé ouais. Pour essayer de piger pourquoi est-ce qu'elle joue un homme. Donc en plus. Et elle joue pas, elle joue Madame Blanc, donc la prof de danse. Madame Marcos. Elle joue, voilà, exactement. Ouais. Elle joue le monsieur docteur, je ne sais plus c'est quoi son nom. Lutz. Et... Non, ça c'est le nom non, de. Non, c'est le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur, oui, entre guillemets, il faut me voir faire les guillemets là, mais. Et elle joue, oui, elle joue Madame Marcos à la fin du film en full prosthétique, en full make-up. Un peu abusé, je l'avoue, c'est un peu too much. Où elle jette des sorts façon Dark Sidious dans Star Wars. Mais je sais plus où j'en étais, donc oui, ça parle de plein de trucs qui me touchent et qui m'importent beaucoup, en fait, et qui m'intéressent vachement, pardon. En vrai, c'est tout ce qui me manquait scénaristiquement dans le premier, donc, parce que dans le premier, c'est vachement... c'est pas expliqué, tu vois, tu vas pas avoir une exposition de 20 minutes où les gens ils te disent en voix off ce qui se passe, ce qui est très bien aussi, ce que j'aime beaucoup. Mais là, il y a plein de petits détails scénaristiques qui se rajoutent et qui manquaient un peu dans le premier. Et il y a aussi le personnage principal prend une tournure tout autre que quand je regardais le premier, je me disais ça serait bien s'il se passe ça, et il s'est passé ça dans le deuxième. Je sais pas si c'est spoilé de dire ça. Je trouve aussi qu'il est beaucoup moins manichéen que le premier. Parce que le premier, c'était les sorcières, c'est les méchantes, et les humaines, c'est la gentille. C'est pas des méchantes, hein. Elles ont des bonnes intentions, hein, clairement. C'est juste qu'elles s'y prennent un peu mal. Ouais, voilà, c'est beaucoup moins manichéen, c'est beaucoup plus complexe, même dans la sororité des sorcières et tout. Entre les personnages, il y en a qui sont plus méchantes que d'autres, il y en a qui ont des intentions différentes et tout, alors que dans le premier, c'était vraiment les sorcières, elles sont méchantes, c'est tout, tu vois. C'est genre, elles veulent tuer, elles adorent tuer, c'est tout ce qu'elles veulent. Je trouve que vous avez beaucoup dit que vous aimiez pas trop... Enfin, toi, Stéphane, surtout, t'as dit que t'aimais pas l'ambiance toute grise et tout, mais moi, je trouve que ça donne une ambiance de ouf, surtout... Enfin, en fait, dehors, peut-être un peu moins quand ils sont en extérieur, mais l'ambiance dans l'école, elle est ouf. Tout le jeu avec les jeux avec les miroirs et tout dans les salles de danse, moi j'adore ça déjà à la base. Tout ce qui est possible de faire cinématographiquement dans une salle de danse, dans un studio de danse avec les miroirs, avec les grands espaces vides et tout, je trouve ça trop bien. J'ai trop de trucs à dire. Je trouve que il est aussi forcément il est similaire au premier parce que c'est la base, enfin c'est le matériau de base, mais en même temps il est ultra différent et c'est ce qui m'intéresse vachement. Je trouve que les actrices Tilda Swinton, Dakota Johnson, Sarah Miyagoth, celle qui joue Sarah, elles sont ouf, mais elles sont géniales. C'est peut-être ça, non? Comment ? C'est plus un film qui joue vraiment sur une question d'ambiance et de sensibilité. C'est vraiment, je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer Sune, qu'on puisse ne pas le comprendre. Non, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, qu'on puisse un peu être rebuté et tout. C'est vraiment, tous les films c'est subjectif, mais là c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très personnel la vie que tu t'en fais. C'est soit ça te touche, soit ça te touche pas, tu vois. Soit t'aimes, soit tu détestes. Non, bah c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est emmerdant, parce que le souci c'est que c'est un film que j'aurais vraiment aimé. En fait, c'est un beau film d'esthète, mais qui peut laisser froid. En fait, c'est surtout ça, peut-être là. C'est un beau film. Je pense qu'on est peut-être, on serait peut-être tous d'accord là-dessus pour s'accorder là-dessus. C'est que c'est pas... Visuellement, tu veux dire. C'est ouais, beau, visuellement, oui, tu vois qu'il y a un travail. Tu vois qu'il y a une proposition. Il y a une proposition derrière qui est intéressante. La manière dont elle est appliquée ou pas, ça concerne n'importe quel spectateur. Il se fera un avis là-dessus. Je trouve que chaque choix sert quelque chose, en fait. Je trouve qu'il y a rien qui est superflu dans le montage, dans la technique, dans la mise en scène et tout. Je trouve que chaque plan, chaque chose a un intérêt et a un fond. En plus de la forme qui est trop belle, on l'a dit mille fois que la photo elle était trop belle, mais je trouve que chaque plan, chaque truc, chaque choix, chaque effet de montage, chaque effet de caméra, chaque tout sert quelque chose, sert le propos, un des propos du film, parce qu'il y en a 10 000. Mais le souci, c'est que plus c'est bien, plus je me dis que la plupart des trucs qu'il a rajoutés, au final, tu les vires du film, le film reste cohérent. Mmh. Tu dégagerais les séquences où tu vois la famille de Dakota Johnson, clairement, tu peux t'en passer. Moi je trouve que c'est pas ça sert pas à grand chose, tout comme l'histoire parlée avec le psy, quoi. Enfin, en fait, je suis pas d'accord. Je pense que vous avez dû louper un truc. C'est, ça fait un peu je vous prends de haut et tout, mais je pense que vous avez dû louper un truc. Toute l'histoire, on peut pas trop en parler parce que ce serait spoiler le film, mais je vous dirai peut-être en off. Si, je vois pourquoi tu dis ça, mais c'est ce qu'on se disait avant de venir tout à l'heure, c'est que c'est vraiment en fait. Il les applique tellement mal parce que c'est des choses qui sont intéressantes. Faudrait peut-être pas les enlever. En revanche, il faut mieux les traiter. C'est ça. Le truc, c'est que c'est pas évident au premier coup d'œil, je pense. Soit faut être un peu déjà pas calé non plus, mais enfin, faut soit s'intéresser aux sorcières, donc du coup au féminisme et à plein de questions comme ça et tout. Soit faut que ça te touche personnellement, soit faut y réfléchir après. C'est pas le truc que tu vas voir au premier coup d'œil, je pense. Ouais. Ah non, c'est aussi ça que je respecte dans le film, et c'est pour ça que je veux pas dire qu'il faut pas aller le voir, il faut pas le voir. C'est un film qu'il faut voir, parce que... Je suis contente que tu dises ça. J'ai pas aimé le film, mais quoi qu'il arrive, ça me dérangerait pas de le revoir, parce que ça reste quand même quelque chose d'intéressant qui te reste dans la tête. J'y réfléchis encore une semaine après. Moi aussi, j'y pense encore tous les jours. Alors peut-être que j'aurais oublié ce film dans un an, mais là pour l'instant il me reste encore en tête parce que j'essaie encore de réfléchir à ce que j'ai vu, à ce qu'il essaye de dire. Je pense que si tu le revois une fois, enfin une, deux fois, autant que tu veux, tu vois, mais je pense que si tu le revois après le premier visionnage, tu vas voir des trucs, comprendre des trucs que t'aurais peut-être pas vu ou compris. Il faut pas le revoir dans la même posture. Là, maintenant il faut le revoir aussi vraiment en full analyse. Faut vraiment te caler devant et bien regarder tous les détails, réfléchir. Ouais, en même temps, t'es plus dans la découverte quand tu le revois, donc forcément, t'es plus propice à réfléchir. Tu voulais dire un truc, Emilien ? Oui, bah du coup, on a un peu passé à côté, mais moi, c'était quand vous parliez des intrigues rajoutées par Guadagnino. Moi, je trouvais que ça faisait, pour le coup, j'avais vraiment l'impression, enfin, qu'elles soient intéressantes ou pas, moi, c'était surtout le traitement, j'avais l'impression que c'était vraiment deux rails différents, qu'il y avait une mise en parallèle, et je pense qu'il aurait plus dû travailler la confrontation... Par exemple, au début, on est chez le psychiatre, on voit une des danseuses, Patricia, qui commence à paniquer, qui dit qu'il y a des sorcières. Et donc là, il y a une porte d'entrée vers l'école de danse pour le psychiatre. Et finalement, Patricia disparaît et j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à partir de ça. Je pense qu'il aurait plus dû... Bah après, il va, grâce au journal de Patricia, il va faire des recherches sur justement l'école de danse. Et c'est comme ça qu'il Mais va justement, rentrer. Il fait ça en fait pendant tout le film. C'est un peu ça aussi qui me gêne. Pendant c'est que les moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un moment où il croise rapidement Sarah, que ça soit plus imbriqué dans l'intrigue. J'ai vraiment l'impression que c'était deux rails différents. En fait. Puis aussi, on peut aussi ajouter que toute cette intrigue, c'était surtout aussi pour offrir une espèce de caméo dont tout pourrait vraiment se passer, de Jessica Harper, où quand tu la vois... un peu un mode Denis Brogniart dans Koh-Lanta, en mode un peu je pense, mais je sais pas si c'était Jessica Harper qui voulait revenir ou pas, je sais pas du tout, mais en vrai la scène les scènes où on la voit, on aurait pu les enfin elle servait pas. Moi je t'avoue honnêtement, alors ça aurait été une idée de scénario complètement nulle, hein, donc c'est peut-être bien que Luca Guadagnino n'ait pas mis, mais j'aurais limite voulu que la sorcière à la fin. Que Jessica Harper en fait reprenne son rôle de Suzy et qu'il y a une espèce mais tu sais on que l'aurait, en vrai, on n'aurait pas compris pourquoi, mais elle serait là pour dire non, soit je suis la méchante, je suis la c'est chef moi des la sorcières. Vraie Suzy. Voilà, ça, non ça mais en génial. Vrai, je pensais que le personnage d'Olga. Je sais pas pourquoi au début j'étais persuadée que c'était Jessica Harper. Comme on la voit au générique, on la voit son nom au générique dans l'affiche, je me suis dit vraiment, tiens, mais c'était peut-être elle. Mais avant, quand j'ai vu le film, quand on voit le personnage d'Olga, avant, parce que le personnage de Jessica Harper, on le voit après, et je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était elle, et je me dis, oh, c'est marrant qu'elle joue ce personnage alors que c'était sa pote dans l'original tout. Bon, bref, ou si ça se trouve, c'est juste Tilda Swinton qui était déguisée en Jessica Harper. Ça se trouve, Tilda Swinton, elle a joué en fait, tous les personnages. Rôles, en fait. Et c'est elle qui l'a réalisé, c'est elle qui l'a monté, elle a tout fait. Elle a tout fait elle-même. Elle a aussi fait les peintures murales. Non, faut le préciser, ça. C'est vrai ? Non. C'est vrai ? C'est elle qui a fait le mur de Berlin. D'ailleurs, en parlant de ça, la BO, c'est Thom Yorke qui l'a faite. Qu'est-ce que vous avez pensé de la BO ? Question. Faut qu'il arrête de brailler, hein, Thom Yorke, parce que c'est pas possible. Hein. À part les morceaux où il chante. Parce qu'il a fait toute la BO, il a composé même les morceaux où il chante pas. Ok, bah, Victor, j'aimerais bien qu'elle se fasse plus entendre, personnellement, parce que j'ai vraiment traversé le film, puis il y a des moments où. Enfin, le seul moment de danse, vraiment, qui. Enfin, le gala à la fin, voilà. Je l'ai pas dit, pardon, vas-y, continue. Là on entend vaguement, enfin moi je trouve que c'est pas très présent parce qu'il y a vraiment le bruit des cordes des actrices et puis le montage alterné avec ce qui se passe en parallèle qui vient un peu étouffer le son et donc c'est la musique de la bande-annonce du coup, j'ai beaucoup retenu la bande-annonce. Folk. Et à part ça en fait j'ai l'impression qu'on traverse un peu le film dans des genres d'ambiance mais... Alors que l'original, ça, ce qui était hyper marquant, c'est que la musique, on arrive dans l'aéroport, on arrive en Allemagne, et bam, t'as la musique qui colle le film pendant quasiment une heure et demie. Ah, c'est clair que tu retiens plus la musique des Goblins que de Thom Yorke. Après, quand t'es, comme moi, pas fan de Radiohead déjà de base, de voir Thom Yorke, t'es genre, putain, ça va être une plaie. C'est surtout que ouais, moi, j'ai revu des scènes du Suspiria original. Et tu vois vraiment que la musique des Goblins instaure vraiment une ambiance directe aussi. La musique, t'as pas forcément un raccord avec les scènes qui sont présentées. Enfin, je veux dire, le début, c'est juste Suzy qui est dans l'aéroport et qui monte dans sa voiture. D'ailleurs... Et c'est comme si elle entrait... tout de suite dans un univers qu'elle connaît pas et comme toi spectateur aussi et ça te fout les jetons. Mais c'est ça justement parce que moi la première fois que j'avais vu le film il y a longtemps j'avais eu très très très très très peur mais j'étais terrifiée par ce film alors qu'en vrai il fait pas peur, enfin il fait pas vraiment peur du tout mais t'enlèves la musique et déjà t'as plus peur parce que enfin c'est la musique qui joue beaucoup mais je trouve que c'est clairement la BO elle est de Suspiria 2018 elle est complètement différente, c'est pas du tout la même ambiance et tout, mais je trouve qu'elle est parfaite pour le film dans lequel elle est en fait. Et ce que tu disais, Emilien, sur la scène de la représentation de danse où tu trouves qu'on n'entend pas trop la musique et tout, mais moi je trouve que justement elle est, je vais encore le dire, elle est parfaitement liée avec le bruit des corps et le bruit de leur respiration et tout. Je trouve que ça va vachement bien ensemble. Après, moi, je me pose une question. Vas-y, mais pose-toi la question. Parce que je suppose qu'on a tous vu le film dans la même salle de ciné. La meilleure salle. Je pense... Après, je me demande si c'est pas aussi un problème de la salle. Parce qu'on entend... Faut le dire, on entend pas grand chose hein, quand même pour chaque film. J'ai eu la chance, le privilège, l'honneur d'avoir la scène finale avec en fond sonore Bohemian Rhapsody. Oui, bah pareil. Donc, ça c'était génial. Pendant que bah, t'entends Killer Queen. Spoiler, quand t'as spoilé, je vais devoir bipper tout ça. Toi, je dis pas que c'est machin qui. Voilà. C'est pas un spoil ça. Et je vous rappelle, voilà. C'est le gars qui boite. Voilà, et que Bruce et puis Willis, à la fin, il est mort. À la fin, Willis, il est mort. Et le mec qui respire très fort, c'est son père aussi. Voilà. Mais donc voilà, je vous rappelle, c'est un peu le problème qu'on a tous, qu'on a un peu évoqué avec Suspiria, c'est que c'est Suspiria, donc c'est un peu d'horreur. Donc, En fait, j'avoue que la fin, elle est... Enfin, Marcos. Moi, c'est surtout Marcos, c'est surtout le maquillage qui m'a un peu... qui est un peu too much. On dirait le Riser. Mais ouais, un peu. C'est un peu film de série B, je trouve. Mais en, la scène en soi, elle m'a pas dérangée. J'étais plus choquée, dans le sens j'avais du mal à la regarder, que choquée dans le sens c'est de la... Enfin, c'est nul. De toute façon, il faut pas y aller en disant... Enfin, c'est ça où je me suis fait avoir aussi. Hein. Faut pas y aller en disant je vais voir un film d'horreur. C'est... Non, c'est un drame, quoi. Pour moi, c'est plus un drame psychologique, un truc comme ça, quoi. Mais d'ailleurs, enfin... les thèmes qui sont abordés, c'est les mêmes thèmes qu'il peut y avoir dans un drame familial, dans un drame, n'importe quel drame. Ça parle de maternité, avec les sorcières, avec les mères, les relations super proches qu'elles ont entre elles. Ça parle d'abus de pouvoir, ça parle de honte, ça parle de culpabilité, ça parle... Je trouve pas que ce soit un film féministe, parce que. Mais ça, c'est mon avis très personnel, parce que c'est un mec qui l'a écrit et c'est un mec qui l'a réalisé, donc je pense pas que ça puisse être féministe, mais en tout cas, ça parle de femmes et ça parle du pouvoir qu'elles ont sur elles-mêmes, sur les autres femmes et sur. Le pouvoir que les hommes ont sur elles et qu'elles peuvent avoir sur ce pouvoir qu'ils ont sur elles, c'est très compliqué. Je sais pas si vous avez suivi ma pensée, mais donc ouais, c'est plein de thèmes qu'il y a dans n'importe, enfin dans pas n'importe quel drame, mais dans plein d'autres drames qui sont pas des films d'horreur ou qui sont pas des sorcières, qui ont pas des sorcières en personnage. Je pense aussi que le film s'inscrit vraiment dans une tendance qu'on a depuis quelques années, justement réactualisée par le genre du fantastique. Un vent de féminisme en fait par le biais des sorcières par exemple, et bon après c'est comme tu viens de pointer un peu le problème avec le film de Guadagnino, c'est aussi souvent de ce prisme là vu par des réalisateurs masculins, mais après, faut pas voir ça forcément comme un problème qui va jouer en la défaveur du film. Je dis pas que c'est une tare, juste que c'est un... sauf que on a des films comme je sais pas, The Witch par exemple. Oui. Parler de ça avec moi je trouve que le film est assez brillant parce que il se montre à la fois très simple mais en même temps beaucoup plus complexe n'y paraît dans cette manière de se réapproprier ce genre là. On peut même tout simplement de manière peut-être plus légère, le Suspiria de Guadagnino est sorti au même moment qu'il y a eu sur Netflix la série Sabrina. Qui est très bien, je vous la conseille. Et qui vraiment, je trouve, est une chouette réactualisation aussi de Sabrina, de ce qu'était Sabrina, ouais. Et qui peut aussi, qui ramène à des sujets qui sont peut-être maintenant plus d'actualité pour un jeune public, tout en prenant le mythe des sorcières du féminisme. Alors que savoir que Sabrina a aussi été écrite par un mec. Ouais. Et que, autre truc à savoir, que le scénariste de Suspiria de 2018, il a fait... évidemment, plein de recherches sur la sorcellerie, sur les sorcières, sur le féminisme de l'époque de 1977. Ah oui, non, mais c'est un truc qui est rempli de... Oui, mais tu vois que ça a été... Il y a eu de la recherche derrière, c'est pas du... Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être trop de recherches aussi. Il y a eu une envie de faire beaucoup trop, hein, un essai plutôt que de réadapter, réactualiser. Je pense que ça aurait été intéressant aussi de faire un Suspiria moderne plutôt que de reprendre en mode Suspiria en mode sexy dance dans une école de hip-hop. Yes, c'est ça qu'on veut. Avec Channing Tatum et j'ai pas de nom pour une actrice. Bah, je pense que c'est principalement ça le point, comme quand par tout à l'heure vous parliez du climax d'horreur à la fin. Moi, je pense que ça fonctionne moins bien aussi parce que l'original, le Argento, était vraiment dès le début avec les couleurs, avec la musique, dans un univers beaucoup plus fantasmé, beaucoup plus onirique. Alors que là, Guadagnino a quand même, je trouve, beaucoup plus l'envie de ramener Suspiria dans le réel. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, il y a un genre de rupture à la fin où, d'un seul coup, on part dans complètement autre chose, dans un délire complètement gore. Et je pense que les trucs qui marchaient, genre les déguisements, les prothèses des années 80 dans les films d'horreur, aujourd'hui, il faudrait trouver autre chose, je pense, aujourd'hui. Mais le côté aussi clignotant, esthétique à la Gaspar Noé, j'ai pensé à Gaspar Noé notamment avec Climax, parce que je trouve que j'étais frustré parce que bon, j'ai pas beaucoup aimé Climax, mais je trouve que la danse en Climax est assez marquante, et il y a ce genre de passage entre la danse et un autre univers hyper esthétisé qui fonctionne pas dans les deux films, je trouve. Voilà, j'ai une question: si ça avait pas été un remake de Suspiria, si ça avait été un autre film avec un autre titre, avec les personnages, ils ont un autre nom, mais c'est Sorcier la même histoire. Dance, Witches non, mais Dance. Non, je te demande pas le titre. Je te demande si ça avait pas été appelé Suspiria, si ça avait pas été vendu comme un remake de Suspiria, si les personnages s'appelaient pas ce qu'ils s'appellent, mais que c'est resté la même histoire, est-ce que ça aurait changé vos a priori déjà avant d'aller le voir et votre vision du truc? Est-ce que vous aurez plus aimé, moins aimé? Non, parce que... Parce que là, on le voit forcément, on a le Suspiria de Argento en tête. Donc, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, parce que comme c'est une nouvelle proposition, tu prends la proposition comme elle l'est. Enfin, il faut pas toujours comparer, en fait, aux originaux, parce que c'est une nouvelle adaptation, une nouvelle réflexion sur ce que posait l'original, et donc tu le prends comme tel. tu prends ça comme étant Suspiria de 2018 et pas Suspiria par rapport à celui de 77. Oui, parce que vous disiez justement qu'il y avait des trucs, genre notamment le filtre rouge, on va en reparler, qui faisait très Argento. Mais si ça avait jamais été dit que c'était un remake de Suspiria de Argento, est-ce que vous auriez dit la même chose ? On l'aurait gaulé quand même, parce que du coup, c'est clairement si ça avait été. Il y a plein d'autres gens qui font des trucs avec des filtres rouges ou des néons, des machins, des lumières flash. Des danseuses et un filtre rouge, tu penses à Suspiria quoi. S'il y a des sorcières aussi, tu penses forcément à Suspiria. C'est vrai. Mais c'est surtout que le remake de Suspiria se place beaucoup moins dans une idée d'héritage par rapport à l'original. Moi, je pense à Halloween de David Gordon Green, là, qui est sorti cette année, où là, il y a vraiment l'idée, qu'est-ce qui s'est passé 40 ans après. C'est une suite, après. C'est pas alors, un remake. Oui, mais il y a aussi, vraiment, dans la forme, le fait de rejouer certaines scènes, je pense qu'il y a vraiment une idée d'héritage. Comment on peut faire ça aujourd'hui, alors que Suspiria, pour le coup, oui, un peu beaucoup forcé, mais pour le coup, Suspiria évacue ça, je trouve. Mais c'est un peu l'avantage du film de Guadagnino, c'est que justement, c'est aussi une proposition qui justement n'a pas l'héritage, n'est pas un qu'est-ce qui s'est passé à Suzy pendant 40 ans plus tard, ce qui serait, j'en reviens toujours à mon idée de Jessica Harper en sorcière. Ce serait trop bien avec une Giselle et tout, ce serait trop bien. Et ce qui est intéressant, intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on en tire du film d'Argento, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en réapplique, comment on réapplique en 2018, en fait. Et sauf que la proposition de Guadagnino est noble, est intéressante, n'est pas achetée, clairement pas. Mais pour conclure sur... à moins que quelqu'un d'autre veuille conclure dessus. Non, vas-y, conclue. C'est superficiel, voilà. C'est vraiment c'est comme si on t'offrait un beau cadeau que t'ouvrais, tu t'enlevais le papier cadeau et au final, tu te retrouvais avec un carton. Mais ça, c'est ton avis. Non, et tout le monde n'est pas d'accord. C'est un remake pour lequel je tolère l'existence. Tu vois. C'est pas comme le Fog. Moi, je trouve le remake de Fog. Qui celui-là n'existe pas à mes yeux. On en reparlera plus tard. Tom Welling, hein. Mais ça tombe bien qu'on ait commencé un peu à parler du Suspiria original parce que maintenant on va en parler pour de vrai et on va parler de Suspiria de 1977. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Alors, Suspiria 77, on l'a déjà dit, c'est un peu la même histoire. C'est Suzy, jouée par Jessica Harper, qui arrive pas à Berlin, elle arrive en Allemagne, mais je sais pas. À Fribourg, je crois. Exactement, merci. Et dans une école de danse, pour y étudier, et il va se passer plein de trucs chelous, et c'est essentiellement la même histoire. Alors, c'est quoi votre avis sur ce Suspiria ? Je pense qu'on va tous être plus ou moins d'accord cette fois-ci. Je l'ai revu quelques heures avant de voir le remake et comme toujours chez Argento, tu regardes pas un film d'Argento pour son scénar, parce que tu regardes parce que c'est un réalisateur qui est fascinant à étudier. Suspiria c'est vraiment son plus gros travail en termes d'imagerie, je trouve. L'utilisation des couleurs est ultra pertinente. C'est le dernier film qui a été tourné en Technicolor, je crois. Et du coup, tu as ce côté très baroque, très ésotérique, qui est vraiment fascinant. Regardez, c'est un film qui est rempli de symboles, d'énigmes. Et surtout, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas du style pour faire du style. Il y a vraiment une réflexion derrière, il y a vraiment une envie de faire quelque chose de beau qui ait du sens, qui n'est pas juste pour titiller l'œil de la critique. C'est il y a une vraie volonté de faire du cinéma, de faire une expérience visuelle unique. Le Suspiria, il est incroyable. La musique des Gobelins qui te reste en tête, qui est à la fois très très prenante, en même temps très effrayante. Cette scène d'ouverture, mais qui est juste incroyable. Et c'est même d'ailleurs un des défauts de ce film, c'est que la première scène de meurtre n'arrive jamais à être surpassé ou alors au même niveau par les autres. C'est juste hallucinant en termes de construction, de montage et d'idées de mise en scène. T'as une grosse ellipse au moment où elle donc c'est Pat qui se fait assassiner au début, hein, c'est bien ça? Oui, Patricia. Où tu la vois d'abord devant la vitre et t'as le tueur qui frappe contre la vitre et puis après t'as un cut et d'un coup tu la retrouves ailleurs, tu sais pas comment il a fait pour l'emmener jusque là, mais tu t'en fous parce que c'est une ambiance qui est tellement fantastique que tu l'acceptes parfaitement. Et c'est aussi un art de te dire il y a quelque chose qui cloche mais je ne te le montre pas. Moi, il y a un truc qui me dérange dans... Je vais te dire mon avis maintenant. Je sais pas si... J'adore ce film. C'est un de mes films préférés. J'ai déjà dit, je suis d'accord avec toi. La première scène, elle est géniale. Enfin, genre, tu la vois, t'es en mode... Ok, je regarde jusqu'à la fin. Je veux vivre ce film à 100%. Mais il y a un truc qui... Le seul truc qui me dérange, le seul détail qui me dérange, c'est le tueur. On saura jamais c'est qui, c'est juste une main avec un couteau, et alors que... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Ce tueur n'a pas de sens. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec les sorcières, il n'a rien à voir avec... Enfin, je comprends... Si on... Si, c'est un des gars qui est avec elle. C'est le très grand qui comprend rien de ce qu'on lui dit. Le très grand qui comprend... Ah, oui. Oui, non, mais on sait jamais qui c'est. C'est jamais confirmé qui c'est. C'est juste une main avec un couteau. On sait jamais qui c'est. On sait qu'il y a des sorcières qui représentent une menace. Oui, on sait que les sorcières représentent une menace. On sait qu'il y a un mec qui tue les filles. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, vu que rien n'est jamais confirmé. Donc ça se trouve. Mais c'est ça qui est ouf en même temps avec ce film, c'est que du coup, tu te fais les liens toi-même et que t'es en mode. Enfin, rien n'est. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une exposition, une voix off qui t'explique tout et qui te prend pour un con. Et c'est ça que j'adore, parce que je déteste qu'on me prenne pour une conne au cinéma. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah. C'est qui quoi? Ça peut être n'importe qui, c'est juste une main et un couteau. Mais c'est vrai que le film sous-entend. Pour moi, le film sous-entend que moi je voyais ça comme un sort, une menace magique qu'on voit les sorcières. Mais c'est ça vrai trouve, que c'est juste un serial killer. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est juste Jean-Michel avec son trench coat. Moi, ça fait vraiment partie de ce que j'aime bien chez Suspiria, c'est que du coup, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, sur l'esthétique qui a vraiment un sens. Pour moi, la couleur, elle est vraiment utilisée. Elle a fait sa vie, elle est là. Enfin, elle a pas de sens dans le sens où c'est pas le rouge va envoyer à ça précisément et le bleu à ça et le vert à ça. C'est que voilà, il y a une couleur qui enveloppe le film et ça participe vachement à l'ambiance, mais elle fait un peu sa vie de chacun son côté, mais ça va vraiment dans le sens du film. C'est pas un frein, c'est pas du tout un reproche ni même un frein à l'esthétique du film. Et c'est surtout cette balade dans une école d'ailleurs à la géométrie assez variable. Il y a des moments de caméra où on comprend que l'espace est un peu bizarre. Ouais. Ah, c'est un labyrinthe, justement, cette école, ça crée toute l'ambiance du truc. Surtout le plan dans le bureau où, avec la fresque où la caméra pivote et je crois qu'il y a un genre une courte focale où l'espace ne fait pas sens dans ta tête quand tu vois le truc. Enfin, c'est assez particulier. Et j'aime beaucoup du coup l'idée de réduire vraiment au minimum pour l'intrigue, pour aller à fond dans cette expérience, là où Phénoména, que j'aime beaucoup, a vraiment une intrigue beaucoup plus compliquée, avec beaucoup plus de retournements. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que le Suspiria de 2018 m'apporte ce qu'il manquait dans le Suspiria original, un peu plus de, pas de scénario, mais un peu plus de précision et plus de développement et de trucs auxquels réfléchir et auxquels s'intéresser. Et de réalisme aussi. Hein. Et de réalisme, bah, oui, moi, surtout. Moi, justement... Alors que là, c'est vraiment... comme un cauchemar du coup. C'est ça qui me plaît justement chez le Suspiria de Argento, c'est que contrairement au film de Guadagnino où c'est juste très froid, très réaliste et ça ne provoque aucune émotion, là chez Argento, j'ai vraiment pas vu le film, enfin c'est vraiment comme un cauchemar, je le vois et j'ai pas envie de dire c'est un film où tu réfléchis pas parce que ce serait vraiment rejeter tout le travail qu'il y a chez Argento. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, c'est vraiment un film que tu vis par sensation en fait. Et c'est justement ces couleurs. C'est pas un code couleur précis, par exemple. C'est justement une couleur qui est là pour apparaître tant que tel, s'exprimer effectivement comme l'a dit Emina, mais aussi surtout pour une atmosphère en fait. Et le film est vraiment arrive à foutre la trouille avec ça, et c'est ça que j'adore. C'est une atmosphère, bah c'est complètement différent du. Oui, c'est ce que je voulais préciser, c'est que du coup, il n'y a pas cette volonté écrasante d'appliquer une signification à une couleur, c'est que ça reste très Ouais. flottant et ça participe beaucoup à l'ambiance du film. Oui, Ça parce que. aurait pu devenir quelque chose de très lourd et ça l'est pas du tout. Mais Ouais, c'est je suis parce que d'accord. c'est ça, c'est un long cauchemar où tu es perdu. Parce que justement, quand il. C'est ce que tu disais justement sur sur la fresque, la manière dont il bouge sa caméra, tu comprends pas où tu es. Y a toute une intention derrière de toi aussi te perdre comme Suzy elle-même est perdue, où tu ne sais jamais vraiment si ce que tu vois c'est vrai ou si c'est un cauchemar. Il t'embrouille la tête vraiment avec ça. Enfin, clairement, tu ne peux pas te repérer dans cette école. Il y a pas de, tu sais qu'il y a un long couloir, tu sais qu'il y a un bureau, tu sais qu'il y a une entrée, mais par contre, Mais tu sais tu qu'il y a des pièces t'arriverais dans pas lesquelles toi à ils te sont. repérer dedans. Tu Ouais, pourrais c'est pas vrai. dire où est quoi. Bon, ce qui est drôle du coup, c'est que, bon, mini spoiler, mais du coup, à la fin, Tu peux spoiler, l'héroïne. il est sorti en 77, hein, c'est bon. Du coup, l'héroïne arrive quand même à avoir la clé du mystère parce qu'elle arrive à s'orienter dans l'école avec les bruits de pas. Ça, c'est assez drôle. Ouais, ça par contre, elle compte les pas. Mais tu peux les compter dans n'importe quelle direction, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu sais, par exemple, il y a, je sais pas, 35 pas. Du moment où la personne part de sa chambre et où elle arrive à l'endroit où tu veux arriver, mais tu peux faire 34 pas dans n'importe quel sens et t'arriveras pas au bon endroit, tu vois. Mais bon, c'est malin, je suppose. Et en parlant des personnages, moi, je sais pas vous, mais j'adore le personnage de Suzy parce que c'est un des rares personnages de films d'horreur. C'est un peu une final girl, mais c'est un des rares personnages de films d'horreur, je trouve, qui n'est pas complètement conne. Elle fait des choix sensés, elle a des doutes fondés, elle se dit pas genre oh c'est chelou, je vais mourir, je me casse. Elle est en mode bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ça et pourquoi il se passerait ça. Enfin, tu sais, elle est intelligente et je trouve que c'est pas une final girl cliché qui va survivre malgré elle. Elle survit parce qu'elle se pose des questions et elle fait des choix et elle est courageuse et tout, tu vois. Non, parce que aussi c'est la construction du personnage, c'est aussi elle passe aussi de l'enfance à l'âge adulte, Oui, c'est bah, y a pareil c'est clairement dans. ça, c'est un parcours comme ça tout le long de vue, et c'est ce qu'il y a aussi Ouais. dans le remake, hein, il l'a repris aussi. Mais après voilà, c'est pas un slasher, hein, c'est un giallo de toute façon, enfin ça utilise les codes du giallo, mais pour partir sur quelque chose de complètement différent, à utiliser justement à la place le fantastique. Ouais, ça s'émancipe un peu Voilà. de l'enquête policière qu'il y a dans les giallos, enfin du tueur et tout, c'est plus fantastique, ouais, t'as raison. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter sur le Suspiria 2018 ou de 77, peu importe? Bah oui, moi tu parlais rapidement de Jessica Harper, enfin du personnage de Suzy qui est joué par Jessica Harper. Moi je trouve, pour moi c'est une grande qualité à Suspiria, c'est que. Je sais pas exactement comment, mais je trouve que Argento arrive vraiment à la mettre en scène, Ouais, à la rendre intéressante, et il y a une présence de Jessica elle est Harper magnifique, elle est que de toute façon on ne magnifique. pouvait pas retrouver dans le remake. Pour moi c'était clair qu'il n'y aurait pas eu ça, même si Dakota Johnson, on s'en sort quand même assez honorablement. Moi Il je y a cette trouve ouf. figure. Elle a un visage très poupon en plus, c'est quasiment une Ouais, poupée. c'est ça. Jessica Harper, elle était super jeune, elle avait 25 ans, je crois. Tu la vois vraiment comme une enfant. D'ailleurs, à la base, Argento voulait que les danseuses, ce soit vraiment des enfants, genre de 8-10 ans. Mais les prods, ils ont dit, ça risque d'être un peu trop hardcore, du coup, Bah, ils c'est surtout ont. que c'est drôle que du coup ça soit quand même un personnage, parce qu'apparemment il a gardé vraiment le script original avec les enfants et que c'est juste des adultes qui jouent. Et que ça soit drôle que malgré tout il y ait cette maturité qu'on retrouve chez Suzy, Ouais, je suis sa d'accord. réflexion, son bon sens. D'ailleurs, le script, enfin l'histoire, très inspirée d'un essai d'un auteur anglais qui s'appelle Suspiria de Profundis, qui est justement un essai qui explique toute l'histoire des trois mères. Donc il y a Mère Suspiria, Mère Tenebraum et Mère je ne sais plus quoi, et Lacrymorium. Lacrymorium, qui sont du coup. Qui sont exploités dans Inferno et Mother of Tears. Je me rappelle que les trois mères sont mentionnées dans le journal de Patricia, mais Oui, sinon. ils en Voilà, bah parlent. c'est ça alors, c'est ça, ok. Je crois que c'est le docteur qui en parle à Sarah. Ouais. Sinon, Suspiria 2018, budget de, tenez-vous bien, 20 millions de dollars. Et recette, pour l'instant, mais c'est quand même un peu pas ouf. 2,8 millions. Donc, C'est... Mais on n'est pas là de. Ouais, en France la, le nombre de copies est assez catastrophique. En France, les recettes aussi. Aux US aussi. Hein. Mais c'est, aux US, fois, c'est, on l'a sorti en tant que film indépendant et non pas en tant que film d'horreur. C'est pas un Blumhouse qui quand ils ont sorti c'est pas un truc grand public. Donc ils l'ont sorti, ils ont dû le sortir dans deux salles quoi, tout pété dans les deux salles Artie de les plus célèbres. Ouais, voilà. Mais moi ça m'étonne qu'il ait eu un budget si grand parce que Amazon quand même, ça doit être Amazon qui a oui, c'est vrai que c'est qui a Amazon a investi là-dedans et Luca Guadagnino a quand même une commence à avoir une renommée c'est vrai. Assez 62% d'avis positif sur Rotten Tomatoes, donc c'est divisé, mais en même temps c'est un film qui divise. Ah, il s'était fait huer, le film s'était fait huer à la Mostra de Venise. Il s'est fait huer, mais en même temps il a gagné des prix et dans d'autres festivals. Ah bon et il a gagné un prix, enfin le film non, mais oui, au Spirit, au Independent Spirit Award. Non, mais à la Mostra aussi ils ont prix. Gagné un prix. Ah bon, c'est je vais certainement couper ça, c'est quelqu'un de l'équipe, je sais pas, c'est peut-être le costumier, j'en sais rien. Ah ouais, parce que ouais, il me semble que on remarque qu'il y a quand même aucune implication d'Argento dans le remake. Moi j'aurais bien aimé moi je veux avoir son avis. Bah oui, j'aurais bien aimé voilà savoir ce qu'il en pense lui. Bon, après ça peut être à double tranchant, soit il va dire vraiment ce qu'il pense, soit il va nous faire une James Cameron tiens je vais prendre du poisson. Terminator, puis, c'était Terminator 5, c'était vachement bien quand même les gars. c'est le meilleur depuis le premier. Puisqu'on est sur le sujet des remakes de films d'horreur, on a un peu été servi ces dernières années, alors je vous pose la question, c'est quoi vos préférés, c'est quoi vos détestés, c'est quoi votre avis sur les remakes de films d'horreur, est-ce qu'il faut que ça s'arrête, est-ce que... Je vais y réfléchir et je vais laisser Stéphane d'abord commencer, allez. Les remakes, ton préféré. Mon préféré, il y en a. J'aime beaucoup le remake de La Colline à des yeux de d'Aja. Mm. Je l'ai vu là récemment. Je viens en train de le rattraper. Le remake de ça qui est très très intéressant. Enfin, remake, c'est une adaptation d'un bouquin à la base, mais bon, on le prend aussi comme un remake de la version des années 90. Qui là pour le coup est beaucoup plus intéressant que le téléfilm hein, qui est un teen movie vraiment vraiment bien écrit et construit autour de ses personnages beaucoup plus que le côté horrifique même s'il est comme j'en parlais tout à l'heure avec toi Victor, même si le côté horrifique de ça il est vraiment très bien donc ouais, la colline des yeux il est très très cool aussi ce côté vraiment craspec c'est qui je préfère à l'original en plus, mais bon, je suis pas un fan de Craven à la base, donc déjà voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon remake c'est dire à quel point tu vois, il y en a des biens, c'est que tu as du mal à aller voir, tu penses plus au mauvais remake que. Bon. Dis-nous, le premier qui te vient à l'esprit que t'aimes pas du tout. Fog. Fog qui est une honte. C'est une honte. J'aime moyennement le remake d'Halloween de Rob Zombie. Après, The Thing, hein. Donc c'est censé être un préquel, mais en fait c'est un remake. Et donc Emilien, toi, ton remake de film d'horreur préféré détesté. Moi j'en vois pas beaucoup, parce que je trouve que c'est une production qui est assez opportuniste et qui fait des films assez aseptisés à l'arrivée. Enfin c'est pas des films qui m'intéressent beaucoup. Mais par contre je suis très très fan de bon, c'est un peu ancien, mais du coup on est plus dans le contemporain, mais je suis très fan de Carpenter. Mm-hmm. Donc son remake de The Thing. J'ai toujours pas vu le film de Ward Hawks, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais donc il y a The Thing, et puis plus récemment, même si je trouve que c'est un de ses moins bons films, je l'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est Le Village des damnés qui était sur Mubi récemment, qui en fait, je comprends pas pourquoi il est aussi détesté, parce que je trouve que c'est pas très bien, c'est pas un grand Carpenter, mais je trouve ça tout à fait honnête. C'est vrai que j'ai pas pensé au remake de The Thing, alors que clairement c'est le voilà, si on peut dire que. Mais pour en général, les bons remakes aussi s'affranchissent de l'image de remake aussi. Ils sont pas du tout. C'est ça, The Thing, t'oublies complètement que à la base c'est un film de Hawks. Donc c'est vrai que le film il est hallucinant. Moi je le revois tous les ans et je me prends toujours la même claque. Et après, en remake détesté, bon, il y a le The Thing de 2011, j'ai même pas envie d'en parler. Mais j'aime bien Mary Elizabeth Winstead, donc il y a au moins ça à sauver. Pour moi, la grosse daube, c'est le Carrie avec Chloé Grace Moretz. Je suis d'accord. Où, Chacheron dans le gore. Mais arrête, on n'insulte pas les gens, on l'aime beaucoup, on lui fait des bisous. Moi, ce qui me choque, c'est que c'était vraiment. C'est une histoire assez dure, quand même, l'histoire de Carrie et De Palma. Il a fait du De Palma, donc c'était très bien. Mais il a réussi quand même à trouver une approche qui soit pas très dans le choc ou la violence. C'est un peu bateau de dire ça, mais voilà, je trouve qu'il a trouvé la bonne approche. Alors que le remake de Carrie est vraiment, pour moi, très très profondément ancré dans une grossièreté très insupportable. En fait. La première scène, c'est quand même Julianne Moore qui accouche seule sur son lit de son enfant. Enfin, c'est horrible, ça crie, il y a du sang partout. Je suis seule, chapeau. Et toi, Victor ? Vous l'avez un peu déjà dit, le The Thing de Carpenter, pour moi, c'est aussi une référence absolue. Bon, je n'ai pas vu le film d'Howard Hawks, mais là, on a quand même une merveille de cinéma d'horreur absolue qui on a la touche aussi de Carpenter dedans. Alors, je sais pas si ça peut être vraiment le cadre d'un remake ou plus dans l'ordre. Moi, ce serait plus dans l'ordre d'un reboot, plus ou moins d'une même franchise par le même. C'est le Curse of Chucky qui est sorti il y a 5 ans. Et moi, en fait, ce Chucky-là, c'est un film que je trouve très intéressant dans la manière de renouveler une franchise, en fait, parce que on reprend un peu la même base qu'était Jeu d'enfant, donc le premier. Le film avec Mario Cotillard. Oui, en fait, c'est Guillaume Canet. qui était aussi un peu un film d'horreur, faut se l'avouer. Ouais, une poupée qui dit capou pas cap tout le temps, voilà. On tient un conseil. C'est un footballeur, faut pas l'oublier. La vraie horreur de cette année. Et en fait, il va renouveler une franchise en reprenant plus ou moins la même histoire. Donc un prolongement, en fait, ça sert plus de prolongement. Donc c'est un peu la base originelle du premier film. Donc Charlie Ray, qui est un tueur, s'est réincarné dans la poupée, voilà. Et en fait, ça va relancer cette franchise, mais pour en faire une toute autre histoire, en fait, et aller vers autre chose où ce Chucky là, c'était vraiment une espèce de film de maison hantée, plus ou moins, qui était certes, ça a des défauts. Certes, on voit que c'est vraiment un gros DTV avec très peu de budget, mais je trouvais que c'était une proposition qui n'était pas déshonorante pour la franchise. Qui, quand même, moi, Chucky, c'est vraiment la franchise d'horreur qui m'a vraiment foutu les jetons quand j'étais jeune. Les clowns, en fait. Tous les trucs comme ça. Alors que quand je vois maintenant, ça me fait marrer. Hein, mais, Non, moi, ça me fait toujours. Moi, avant, c'était pas possible. Et toi, du coup, que t'aimes pas du tout. Ah, que je n'aime pas du tout. Ah, oui. Oui, c'est facile à trouver, mais c'est pareil, c'est que les remakes du cinéma d'horreur, en général, je m'en cogne un peu, en fait. Mais c'est marrant enfin, c'est quand même une tendance assez, enfin, il y en a plein, mais pourquoi ? Bah, parce que on n'est pas capable, les exploitants peuvent. J'ai pas envie de dire qu'ils sont à court d'idées, non, parce qu'on le voit maintenant avec Blumhouse. Et 24, ils arrivent quand même à proposer de nouvelles histoires et des choses. Pas que dans des pays anglophones. Hein. Enfin, partout, on a toujours des idées. Mais pourquoi on refait plus des films d'horreur que d'autres films ? Parce que c'est du point de vue commercial, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Enfin, il suffit de voir toutes les suites à Paranormal Activity qui ne servent à rien. C'est pas fou. Le Halloween qui a cartonné, hein. Le Halloween de David Gordon Green. C'est les films qui réunissent parce qu'ils ont, ce côté popcorn qu'on essaie de récupérer des années 80. Enfin, toutes les suites des Vendredi 13. C'est ça que je reproche d'ailleurs au remake de Vendredi 13. C'est qu'il n'a jamais ce côté fun qu'avaient les. En tout cas, le Vendredi 13 qui est Jason Lives. Qui pour le coup c'est le vendredi un des vendredis les plus fun, et le plus fun, celui qui est juste mais à mourir de rire, c'est Jason X. qui est incroyable. Jason dans l'espace, mais c'est juste parfait à la fin avec le Uber Jason qui fait de la bagarre avec une androïde. C'est parfait. Fantastique. Et justement, le remake, il est pas fun. Donc, au moins, il a cet avantage d'être comme l'original, plutôt moche. Mais c'est que tu passes pas à un moment fun, tu vois. Et donc, Victor, un remake de film d'horreur que tu n'aimes pas du tout? Ah, alors on est encore là, bah... Oui, on est encore là. Remake de... Si t'en as pas, c'est pas grave. Et toi, Jade? Carrie. Je regarde pas beaucoup de films d'horreur parce que je suis une énorme flippette, mais un remake, bah, vous l'avez dit, c'est un remake que j'adore, c'est The Thing, parce que j'adore Carpenter. Je sais pas si ça peut être considéré comme un film d'horreur, mais Funny Games US. Moi, ouais, j'ai pensé aussi. Qui est un remake plan pour plan par le même réal de Funny Games original. Je sais pas vraiment si c'est considéré comme un film d'horreur ou pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi, j'ai vraiment une idée d'un remake que je n'aime pas. Un copier-coller, un remake copier-coller, c'est le Psycho. C'est ce que j'allais dire. Le Psycho que je déteste. Ah bah voilà, on va être d'accord. Et... Le Psychose de Gus Van Sant. Alors je vais quand même devoir me faire l'avocat du diable alors que je n'aime pas Psycho de Gus Van Sant. On a plus beaucoup le temps pour un débat, mais vas-y. Ouais, bon, très rapidement, c'est quand même, même si je trouve qu'il y a quand même une très grande réflexion sur qu'est-ce que c'est de revoir un film, C'est un peu mon propos sur le podcast, sur les remakes qu'on avait fait, hein, c'est pour ça que je recite. Mais qu'est-ce que c'est de revoir un film? Comment on peut se projeter dans le film? Parce que tu sais, si tu l'as vu, la scène de la douche, la musique arrive avant la scène de la douche. Il y a toute une réflexion comme ça, comment on peut prolonger Hitchcock. Même si, bon, à la fin, je pense que ça reste un remake de merde avec Vince Vaughn. Moi, je mets ça vraiment à part par rapport à tous les trucs industriels produits à la chaîne qui sont oubliés l'année d'après, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que c'est particulier. Encore une fois, je sais pas si ça peut être considéré comme un film d'horreur parce qu'il fait pas vraiment peur, mais c'est le remake de film d'horreur que je déteste. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup non plus. Est-ce que vous recommandez Suspiria de 2018? Oui. Stéphane dit oui. Victor? Merci Victor. Suspiria plutôt que Suspiria. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi je recommanderais plutôt Suspiria l'original, et si vraiment faut une expérience complémentaire parce que vous êtes trop fan, Inferno qui vraiment est la suite boostée, on met plus d'intrigue, plus de gore, mais toujours très bien fait. Donc, ouais. Moi je vous recommande Suspiria 2018, je pourrais en parler des heures et des années, des décennies tellement je l'aime. Je vous recommande de nous suivre sur Twitter, @s5p42, de nous suivre sur iTunes si vous avez iTunes, de peut-être nous noter sur iTunes aussi et de nous laisser des avis. Et on se dit à une prochaine fois pour un autre film, on ne sait pas encore quoi. Au revoir !